Chapitre 16e, l'arrivée en France. 5 mois après ces événements, un de ces grands steamers qui font le service entre l'Amérique et la France est détendu du port de Saint-Nazaire. Sur le pont, tous les passagers se pressaient pour contempler la terre qui se montrait au milieu des brumes du matin. Le moment où un navire va aborder est toujours rempli d'émotions. Ceux qui reviennent dans la mère patrie cherchent avec un regard anxieux s'ils n'aperçoivent pas un visage aimé. Sur la jetée, la foule accourt pour saluer ceux qui arrivent. 2 passagers seuls étaient restés dans le salon du steamer. C'était le docteur Cavaroux et le duc Jean de Clodion. Le docteur, riche d'un million et plus riche encore de ses nombreuses découvertes scientifiques et de ses précieux échantillons d'histoire naturelle, aspirait au repos et il venait le chercher à Paris, qu'il avait quitté 2 ans auparavant, afin d'aller chercher dans des peuplades sauvages le secret de guérir la folie. Le jeune duc, qui allait voir la France pour la première fois, apportait avec lui une fortune quasi princière. 7 caisses, fermées par de solides chaînes à double serrure, et dans chacune d'elles, 1 million en lingots d'or. Ils continuaient tous les deux une conversation commencée. « Vous ne montez pas sur le pont pour voir les côtes de cette France que vous ne connaissez pas, et vers laquelle vos désirs vous appellent depuis si longtemps ?» disait Cavaroux au duc Jean. « Hélas !» répondit celui-ci. « Ce port, où tout un monde de parents et d'amis se prépare à fêter le retour de l'absent, est désert pour moi. Je n'ai ni amis ni parents qui m'y attendent. N'avez-vous pas trouvé en France Pedro Diaz, votre ancien fidèle serviteur, et votre fiancée, mademoiselle de Croix-Marie ? Le jeune duc, en entendant prononcer ce dernier nom, tressaillit. « Mon cher docteur, reprit-il, au moment de toucher terre, mon cœur se serre. Quelque chose me dit qu'une barrière infranchissable s'est élevée entre Fernand et moi. « Comment? Vous supposez qu'elle vous a oublié? Je ne le crois pas. Et pourtant j'ai comme le pressentiment d'un malheur. Lequel ?» répartit Cavaroux. Jean de Clodion garda le silence pendant quelques instants, puis il répondit. « J'ignore encore quel rôle j'aurai à remplir en France. Mais quoi qu'il arrive, je vais rencontrer d'implacables ennemis. D'abord les assassins de mon père, Carmela et Maresco. Puis José, qui m'ayant volé mon nom et ma fortune, s'il s'est contenté de cela, ne reculera peut-être pas devant un nouveau crime pour les conserver. « C'est vrai, » dit l'illustre savant. Et après une réflexion, il ajouta, « Mais si vous le voulez, je vous mettrai l'abri de toute tentative criminelle. Comment cela ? J'ai connu dans mes voyages un Européen qui était demeuré 3 ans chez les Apaches sans qu'on se doutât qu'il appartint à la race blanche. En vérité, il s'était transformé en un Indien pur sang au moyen du suc d'une plante qui croît en abondance dans les forêts de l'Amérique. J'ai plusieurs flacons remplis de ce liquide étrange et l'opération est des plus simples. Une éponge légèrement imbibée d'eau dans cette teinture et en moins d'un quart d'heure, la coloration du visage est complète. Lorsqu'on veut reprendre sa couleur naturelle, une eau distillée d'un blanc laiteux la restitue dans le même espace de temps. Il vous serait donc facile, si vous le vouliez, de vous faire passer pour un anglo-indien et personne ne pourrait vous reconnaître. « Je réfléchirai à cela, mon cher savant, » répondit le duc Jean. Lorsque le docteur et le jeune duc furent débarqués, ils prirent un camion, s'installèrent dedans avec leur colis et se firent conduire à la gare du chemin de fer où ils demandèrent un wagon spécial pour eux et les valeurs qu'ils emportaient. Le lendemain matin, ils arrivaient à Paris. Le jeune duc avait songé d'abord à se rendre directement de Saint-Nazaire au château du marquis de Kerdal, mais le docteur Cavaroux l'en avait vivement dissuadé. « Il importe avant tout que vous vous soyez renseigné sur la situation exacte de Don José, lui avait-il dit. Vous agirez ensuite selon que les circonstances vous le commanderont. » Arrivé à Paris, ils prirent, comme à Saint-Nazaire, un camion qui transporta leurs lingots à la Banque de France. Lorsque les caisses furent entrées dans l'établissement national, on les ouvrit et l'on pesa les lingots d'or en présence des déposants. Les caisses de Jean Clodion en formaient 7 300 000 francs et elles furent inscrites au nom de sœur Joanne Asley. La mère du jeune duc, on l'a dit, était anglaise et Jean avait cru devoir prendre son nom en même temps que la couleur d'un anglo-indien afin de ne pas donner l'éveil à ses ennemis s'ils étaient à Paris. La caisse du docteur contenait 1 500 000 francs en lingots. Sur la demande des 2 étrangers, une avance de 500 000 francs leur fut remise immédiatement. Cavaroux prit alors Jean de Clodion par le bras et lui dit, en sortant de la Banque de France, « Maintenant, cher ami, si vous m'en croyez, nous irons déjeuner et nous causons de notre future installation, la fourchette à la main. Le déjeuner terminé, le jeune duc demanda une voiture et un quart d'heure après, il faisait son entrée dans le grand hôtel sous le nom de Sir Johann Astley. Pedro Diaz était de retour de Vannes depuis 5 semaines et l'absence de Don José se prolongeait, quoique la durée que lui avait assignée Carmela fût dépassée. Le brave Texien se demandait quelle pouvait être la cause de ce retard lorsqu'il reçut par la poste un billet dont le laconisme et l'obscurité l'intriguèrent vivement. Ce billet était ainsi conçu. Monsieur Pedro Diaz est prié de se rendre ce soir à 8h30 dans le passage des panoramas. Il restera jusqu'à ce qu'un inconnu l'aborde et lui dise ces simples mots « Le mystère de la montagne noire est éclairci ». Alors, il suivra cet inconnu qui le conduira à l'issue du passage qui donne sur la rue Vivienne où une voiture l'attendra. Dans cette voiture, il retrouvera un ancien ami. Pedro se creusa la cervelle pour tâcher de découvrir quel pouvait être cet ami si au courant des secrets du passé et pourquoi le rendez-vous qu'on lui donnait était entouré de si étranges préliminaires. Un instant, la pensée lui vint que Carmela avait deviné le double jeu qu'il jouait et qu'elle voulait se débarrasser de lui à l'aide d'un nouveau crime. « J'irai au rendez-vous, se dit-il, mais j'irai assez bien armé pour ne redouter aucune trahison. » Lorsque 8 heures sonnèrent, il glissa un poignard dans sa poche et un revolver dans son paletot. À 8h30, il entrait dans la galerie des panoramas. Il en était à son second tour lorsqu'un individu, qu'à son costume et à ses allures il prit pour un domestique de bonne maison, lui frappa légèrement sur l'épaule. Pedro Diaz se retourna brusquement. « Le mystère de la montagne noire est éclairci, » lui dit l'inconnu à mi-voix. « Marchez devant, » répondit le Texien, « je vous suis. » Ainsi que l'avait annoncé le billet anonyme, une voiture stationnait à la sortie du passage du côté de la rue Vivienne. La portière s'ouvrit et la tête souriante du docteur Cavarox apparut. Le Texien, sa vue, ne put retenir un cri d'étonnement et de joie. Il s'élança à côté de lui dans le remise. « Quelle bonne surprise » dit-il en lui serrant les mains. « Mais pourquoi tous ces mystères ?»« Tout vous sera expliqué dans quelques minutes, mon brave Pedro, » répondit l'illustre savant, « et vous comprendrez les motifs de toutes les précautions prises pour notre rendez-vous. »« Puis-je savoir du moins où vous me conduisez ?» demanda Diaz, qui comprenait moins que jamais. « Tout près d'ici, au grand hôtel, quelqu'un vous y attend. Et quel est ce quelqu'un? Quand je vous dirai son nom, cela ne vous avancera guère. La personne qui désire vous voir est inscrite sur les registres du grand hôtel sous le nom de Sir Johann Astley. « Attendez, attendez donc, » répliqua le Texien. « Ce nom ne m'est pas inconnu. N'est-ce pas celui de ce riche Anglais tout récemment arrivé à Paris avec des caisses remplies de lingots d'or et qu'on désigne sous le nom du Nabab? C'est en effet près de lui que je vous conduis. Mais que peut-il vouloir un pauvre diable comme moi qu'il n'a jamais vu? Patience, mon brave ami, vous allez le savoir. » Pendant cet entretien, la voiture avait parcouru le court trajet qui sépare la rue Vivienne du grand hôtel. Elle s'arrêta devant le perron. Aussitôt, un domestique s'approcha et se mit à la disposition des arrivants. « Je vais chez Sir Johann Astley, » dit le docteur. « Monsieur sait où est son appartement ?»« Oui. » Le domestique s'inclina et s'éloigna. L'appartement de Sir Johann était au premier étage et donnait sur le boulevard. Il se composait d'une antichambre, d'un salon et d'une chambre à coucher. Cavarox sonna. Un domestique ouvrit. Les deux visiteurs entrèrent et passèrent au salon. Sir Johann Astley quitta un journal qu'il lisait et vint au-devant d'eux. « Voici celui que vous désirez voir, » dit le docteur en lui présentant Pedro. « Soyez les bienvenus tous les deux, » répondit Sir Johann, dans le français le plus pur. Pedro Diaz, en apercevant l'étranger, n'avait éprouvé d'autre sentiment que celui de la surprise. Les traits de l'homme qu'il avait devant les yeux lui étaient complètement inconnus, et rien dans ses souvenirs ne lui rappelait qu'il se fût rencontré avec lui. Mais aux premières paroles prononcées par Sir Johann Astley, une si violente émotion s'empara du Texien qu'il fut obligé de s'appuyer contre un meuble pour ne pas tomber. « Qu'avez-vous donc ?» lui demanda le docteur Cavarox. « Parlez, parlez encore, Sir Johann, » dit Pedro Diaz, remué jusqu'au fond des entrailles. « Votre voix me brise le cœur et me rend heureux tout à la fois. Elle me rappelle celle d'un mort que j'aimais. « Suis-je donc à ce point changé ?» répondit Sir Johann Astley, « que le vieil ami de mon père ne me reconnaisse pas. « Monsieur le duc Jean !» s'écria Pedro Diaz en se précipitant vers lui. « Moi-même, » reprit Jean de Clodion en ouvrant les bras à son fidèle serviteur. « Vous, vous vivant, mon cher maître, vous que je croyais mort et que j'ai tant pleuré. Ah, si vous n'aviez pas parlé, monseigneur, je ne vous aurais jamais reconnu, n'est-ce pas ? Oui, et cependant plus je vous regarde, et plus par moments il me semble... Mais l'instant d'après, tout disparaît. La vision entrevue s'efface. Il y a une différence si grande entre ce que vous étiez autrefois et ce que vous êtes aujourd'hui. » Le jeune duc apprit alors à Pedro tout ce qui lui était arrivé depuis leur séparation pendant la nuit des campements au canyon d'Oripas, et à mesure qu'il parlait, le visage du Texien s'assombrissait ou s'épanouissait. « À présent, dit Jean de Clodion, lorsqu'il eut achevé son récit, il est une chose que je veux apprendre. José ne m'a-t-il volé que mon nom et mon héritage ? Hélas ! Répondit Pedro, la spoliation a été complète. Don José est devenu le mari de votre fiancée. » Quoique Jean de Clodion eût pressenti cette révélation terrible, il ne put l'entendre sans recevoir un choc violent. Sa figure, d'un rouge brique, devint terreuse, et il se laissa tomber avec accablement sur un siège. Toutefois, cette défaillance ne fut que passagère. Par un effort de volonté, il se redressa et dit d'une voix ferme à Pedro Diaz « À toi de parler maintenant, je veux tout savoir. » Nous nous abstiendrons de reproduire ici le récit de Pedro Diaz, car nos lecteurs n'apprendraient que ce qu'ils connaissent et ce serait une redite sans intérêt. Le jeune duc, complètement ignorant des événements qui s'étaient passés depuis le départ de Don José pour la France, écouta le Texien avec une attention douloureuse et à diverses reprises, ses regards, ses gestes exprimèrent l'indignation et la fureur. « Mais pourquoi n'as-tu pas arraché le masque à l'imposteur ? » demanda-t-il à Pedro Diaz lorsqu'il eut cessé de parler. « J'y ai songé bien des fois, monseigneur, » répondit l'ancien intendant, « mais le grand nom des Clodion aurait été traîné devant les tribunaux, et j'ai reculé. Puis une autre raison m'a retenu encore. Laquelle ? La femme de Don José est mère. » Jean courba la tête sous ce dernier coup, le plus cruel de tous. Lorsque la tempête qui grondait dans son cœur se fut calmée, il prit la main de Pedro Diaz. « Tu as bien agi, et je t'en remercie. Ton silence a sauvé l'honneur de deux familles, celle de Fernande et la mienne. « Maintenant, monseigneur, que vous voici à Paris, que comptez-vous faire ? » demanda Pedro Diaz. « Je l'ignore encore, » répondit le jeune homme. « Les scrupules qui t'ont empêché de démasquer Don José m'arrêtent à mon tour. Cette pauvre femme, qui t'est destinée à devenir la mienne, dois-je dissiper son erreur et lui montrer la profondeur de l'abîme dans lequel elle est tombée sans s'en douter ? Et son enfant ? Non, je ne le dois pas. Je ne le puis pas. À présent, du moins. » Plus tard, et selon les circonstances, je verrai ce que j'aurai à faire. Mais il est une chose que je n'ajournerai point, c'est de découvrir le meurtrier de mon père. « Ah, celui-là, s'il me tombe jamais sous la main, » fit Pedro avec un geste menaçant, « il n'en sortira pas vivant. Si le hasard te mettait sur sa trace, tu n'y toucherais pas. » Reprit le jeune duc. « Le châtiment qui l'attend aux montagnes rocheuses sera plus terrible que tous ceux que nous pourrions inventer. » Et cette misérable créole, cette Carmela qui a ordonné le meurtre de votre père, lui ferez-vous grâce, monseigneur ? Notre intervention pour la punir, j'en ai le pressentiment, ne sera pas nécessaire, répondit Jean de Clodion. Je crois à Dieu et à la Providence, et j'ai la conviction profonde que ce sont les coupables eux-mêmes qui, presque toujours, deviennent les artisans de leur propre châtiment. Carmela, qui est la punition vivante des crimes de José, trouvera sa punition dans la personne de Maresco. Maresco, lâchement trahi par cette infâme créature, n'a pas oublié et n'oubliera pas. C'est lui qui se chargera de venger mon père en attendant qu'il expie lui-même, là-bas, la part qu'il a prise dans ce crime abominable. La soirée s'était écoulée rapidement au milieu de ses confidences, et minuit avait sonné depuis longtemps quand Pedro Diaz prit congé du jeune duc. « Tu comprends combien il importe que mon incognito soit strictement gardé, » lui dit Jean. « Sous quelques jours, j'irai m'installer dans un hôtel, place de l'Étoile. Cet hôtel a deux issues, tu pourras donc m'y voir sans exciter de soupçons. Du reste, quand j'aurai besoin de toi, je te ferai prévenir. Si d'ici là, tu avais quelque chose d'urgent à me communiquer, tu t'adresserais au docteur Cavarox qui m'en informerait. C'est entendu, monseigneur, dit le Texien. Et il sortit, après avoir serré de nouveau les mains du jeune duc de Clodion.